Le premier ministre coréen Park Bong-joo a inspecté le complexe de machines lourdes de Daejeon. Il a fait le tour de plusieurs endroits du complexe pour encourager les ouvriers. La réunion consultative tenue sur le lieu a délibéré sur les mesures pour opérer de l'innovation dans la production des équipements importants, notamment les générateurs à destination de la centrale électrique de Tanchon, et approvisionner à temps des matières premières et des matériels nécessaires à la production par les unités d'activité intéressées. Avant cette inspection, le Premier ministre a inspecté le complexe d'arboriculture fruitière Taedonggang pour débattre des problèmes posés pour la réalisation au niveau plus élevé du perfectionnement scientifique et de l'intensification de la production fruitière.